Choi Il-min, représentant de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste, a été interviewé le 9 par le correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée. Il a dit « Le respecté maréchal Kim Jong-un a précisé sur tous les plans, dans son message de nouvel an, les tâches et les moyens réalistes pour accomplir de nos jours la cause de réunification du pays, surtout améliorer les rapports au Sud-Nord, écarter des conflits militaires et des dangers de guerre aigus entre le Sud et le Nord, et unir la volonté et la force de toute la nation pour inaugurer l'âge d'or du mouvement national pour la réunification. Ouvrir une large voie de la réunification indépendante sous la direction du respecté maréchal Kim Jong-un, grand homme sans pareil, c'est l'aspiration et la volonté unanime de tous les compatriotes. Les avant-gardistes du Front démocratique national anti-impérialiste lutteront vigoureusement pour faire de 2017 une année marquant une nouvelle apogée de la réunification indépendante en tenant en haute estime le maréchal comme guide de la réunification du pays.